connaître les lieux sur son territoire. Il va faire un arrêté préfectoral interdisant les rêves parties. Bien sûr, les sorcières se servent de tatouages, de belladone, de jusquia. Les plantes dont les effets hallucinogènes sont à l'origine des récits de sabbat et de voleurs sorciers en balai. Les guides, les manifestations du monde. Thank you. créateur de cette drogue tente de mettre en image ses visions sur mescaline, le principe actif du réel. Yeah.